Seigneur Dorian, vous effrayez. Ici, aux confins de la mer glaciale, sur laquelle fut au commencement de l'hiver dernier passé, grosse et félonne bataille entre les Arimaspiens et les Néphélibates. Lors, gelèrent en l'air les paroles écrites des hommes et femmes, les heurts des armes et des armures, les hennissements des chevaux et tous autres tumultes de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, arrivant la sérénité tempérie du bon temps, elles fondent et sont entendues. Mais par Dieu, je l'en crois. Mais en pourrions-nous voir quelqu'une? Tenez! Voyez-en si, qui encore ne sont dégelés. L'or nous jeta sur le tillac, pleine main de paroles gelées, et semblait dragé, perlé de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, de sable, des mots dorés. Pour cette chaleur, cette saveur, cette odeur. Lesquels, étant quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige. Écœurants. Et les entendions réellement, mais ne les comprenions car c'était langage barbare. Excepté un assez gros, lequel, ayant frère Jean échauffé entre ses mains, fit un son tel que font les châtaignes jetées en la braise lorsqu'elles s'éclatent, et nous fit tous de peur tressaillir. C'était un coup de canon, son temps. Pour Dieu, donnez-moi encore. Donner parole est acte d'amoureux. Vendez-moi donc. C'est acte d'avocat, vendre parole. Quoi de plus, c'est quoi de plus? Je vous vendrai plutôt silence, et plus chèrement. Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac trois ou quatre poignées. Et l'on vit des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, des paroles horrifiques, et autres assez malplaisantes à voir. Hey, fils de Dieu, fais un miracle. Lesquels, ensemble fondus, entendîmes, et ne sais quels autres mots barbares. Vocables d'hueur et hennissement des chevaux à l'heure de la mêlée. Puis entendîmes d'autres grosses paroles qui rendaient son en dégelant. Les unes comme de tambours et fifres. Les autres comme de clairons et trompettes. Croyez que nous y eûmes du passe-temps beaucoup. Je voudrais quelques mots de gueule mettre en réserve dans l'huile, comme l'on garde la neige et la glace, et entre du foin bien net. Il parlait, et nous parlons, nous parlions, nous parlerons, nous parlions, nous parlions, nous parlions.